Bonjour, mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de la radio Sangane, bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici l'essentiel. L'exportation des produits tels que le thé et le café ont apporté pour le Burundi plus de 32 millions de dollars américains. Cela a été dit par le ministre de Guderema et à l'agriculture dans cette attribution pour le troisième trimestre 2021-2022. De Guderema a précisé en outre que plus de 135 hectares ont été mis en valeur pour augmenter la production du thé. Et le manque de médecins dans la province de Cibitoke fait que les infirmiers interviennent. C'est ce qu'a indiqué le directeur de cet hôpital qui plaidait pour cet hôpital afin que l'État dote des médecins. Et l'équipe Flambeau du centre qui a remporté le championnat du Premier League édition 2021 le mérite parce qu'il a investi par le recrutement des meilleurs joueurs. Voilà pour les titres et bienvenue pour les détails. La radio de l'avenir. Je vous le disais tantôt, la vente des produits de cultures d'exportation tels que le thé et le café ont apporté pour le Burundi plus de 32 millions de dollars américains pour le troisième trimestre 2020-2022. C'est ce qu'a indiqué Deo Guderema, ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage, lors de la présentation des réalisations du troisième trimestre de son ministère. Deo Guderema a indiqué que 135 hectares ont été mis en valeur pour augmenter la production du thé. Suivez-le. 12 millions de plants de café ont été produits et distribués à la population. 4,484 kilos de semences de café ont été semis dans les germoires et 34 hectares de plantations théicoles de l'État ont été installés. 6,490 tonnes de café vert ont été produits pour un montant de 26,454,000 US américains. Pour le thé, 15,896 tonnes de feuilles vertes de thé ont été cueillies dans les blocs industriels et dans les milieux villageois. 3,311 tonnes de thé sec ont été produites et 2,490 tonnes de thé sec ont été vendues et pour un montant de 6,324,432 US américains. Une nouvelle superficie de 135 hectares de thé a été embravée. C'était le ministre de Guderema. Santé à présent, l'hôpital provincial de Cibitoke fait face à un manque de médecins au mois où il accueille beaucoup de patients. Propos du directeur de cet hôpital ce samedi lors de la célébration de la Journée mondiale des infirmiers, une journée qui est célébrée chaque année le 12 mai. Docteur Christophe Nahabakomeye demande à l'État de doter cet hôpital des médecins. Je propose de le suivre. L'infirmier à notre hôpital a un rôle très prépondérant. La prépondérance de leur rôle réside d'abord en ce qu'ils sont un personnel très nombreux à l'hôpital, qui sont en contact permanent avec l'AD, sont interpellés à chaque fois et partout dans tous les services, alors que le médecin peut être occupé au bloc opératoire dans l'un ou l'autre service. Mais le personnel infirmier est là toujours permanent en contact avec le malade. Et quelquefois, pour certaines urgences, le médecin trouve que l'infirmier a déjà exécuté certaines tâches d'urgence et cela témoigne aussi leur rôle. Le défi majeur, c'est l'insuffisance du personnel et surtout du personnel infirmier, bien que le personnel médical aussi manque. Mais s'il advient que le gouvernement, dans sa possibilité, surtout notre ministère de tutelle, nous affecte certains personnels à notre hôpital, sera vraiment ça nous enchanterait parce que presque tous les services sont en besoin de quelques 3 ou plus d'infirmiers. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. à 13h. Deux minutes poursuivons cette édition. Investir dans le recrutement des meilleurs joueurs et le travail en équipe. Telles sont les raisons qui ont poussé l'équipe Flambeau du Centre de Guitega à remporter le championnat du Primus League de cette édition. Analyse des journalistes qui a suivi ce championnat. Patrick Arakandi trouve qu'il faut appuyer financièrement les clubs burundais. Je propose de le suivre. Un Flambeau du Centre le mérite parce qu'ils ont investi, ils ont recruté des bons joueurs au niveau de l'attaque, aussi au niveau de la défense, ils ont des bons joueurs. Une autre raison, c'est parce qu'il y a des joueurs qui ont passé deux ou trois saisons ensemble, donc ils se connaissent bien. Et puis, il y a aussi des staffs, ils ont renforcé des staffs, Momo et Dodi qui savent bien le football burundais. Donc, ils le méritent. Il y a du suspense. C'est parce qu'il y a du suspense jusqu'à la dernière seconde. Personne ne pensait pas que Flambeau du Centre peut arracher la coupe aux dernières secondes. Aussi, jusqu'au 27e journée, on a assisté quatre équipes qui le méritaient. Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer ou pour promouvoir notre championnat? C'est le moyen financier. Les clubs n'ont pas des moyens suffisants pour rester avec des meilleurs joueurs. Donc, il suffit de renforcer les clubs, de les donner des moyens. Et si les clubs n'ont pas des moyens, on va assister toujours notre championnat à un niveau très bas. Éducation à présent, les habitants de la colline Kiramanzo Nebogarama de la province Muramvya ont réceptionné 9 salles de classe de l'Ecofo Gatonde, des salles réhabilitées pour un montant de plus de 17 millions de francs. L'administrateur communal ainsi que les natifs de cette commune ont accepté d'appuyer pour que les bancs pupitres soient disponibles. Patrick Hatungimana. Lors des différentes interventions, le président du comité des parents s'est dit satisfait de voir que les apprenants vont bientôt étudier dans les salles toutes neuves et remercie vivement les natifs de la colline. Il a remercié également aux représentants de l'église baptiste d'avoir accepté de donner la parcelle où ériger l'école et à la commune pour ses différentes interventions dans le développement de la colline. Sur les 237 bancs pupitres qu'a besoin l'école, l'administrateur communal a déclaré qu'il va octroyer 50 bancs pupitres et demande aux natifs et de la colline et à tout autre bienfaiteur d'intervenir. Zohabonimana Alexis a quant à lui exhorté les bénéficiaires de bien entretenir ces bâtiments et a demandé aux responsables de l'éducation d'engager des enseignants natifs de la colline car la majorité des enseignants rentrent très loin, ce qui engendre des retards répétitifs, même des absences, vu que la colline Kirama est l'une des collines les plus enclavées de la commune Muramvya et qui connaît un relief très accidenté. Il a également dit qu'il se remarque un grand taux d'abandon scolaire et a demandé aux responsables scolaires, les parents et à l'administration de se pencher sur cette question et d'y retrouver remède. Pour la radio Isanganiro, Patrice Atungimana à Muramvya. De Muramvya, rendons-nous à Bouanza où les cultivateurs qui n'ont pas eu d'engrais chimiques pour la saison B dans cette province disent que les délais ont déjà expiré. Ils déplorent les faibles récoltes causées par le manque d'engrais alors qu'ils étaient même endettés pour cultiver. À la direction provinciale de l'environnement, agriculture et élevage, l'on reconnaît les faits mais l'on tranquillise que cet engrais sera donné au cours de la saison culturelle C. Et voilà, à 13h06, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Nelly Kuihangana qui était à la cabine technique. Au revoir.